Anaïs, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, l'histoire c'est aussi raconter des histoires et parfois même les dessiner. Le 8e tome de l'histoire dessinée de la France aux éditions La Découverte vient de paraître. Cette fois-ci, nous sommes dans les derniers siècles du Moyen-Âge où famine et guerre à répétition s'enchaînent dans la désolation. Tout pour réjouir notre guide à cette occasion, la mort en personne. Bonjour, vous me reconnaissez ? Vous m'avez déjà vu dans Guerre mondiale 1 et 2 ou dans Ouragan et Tsunami. Mais beaucoup pensent que j'ai donné le meilleur de moi-même à la fin du Moyen-Âge. C'est vrai qu'à l'époque, je me suis bien amusé. Le récit s'étend du XIIIe au XVe siècle, la mort s'épanche sur ses jeunes années, nous balade à travers ses heures de gloire, guettant les moments favorables. Les crises, les refroidissements climatiques et les climats sociaux pourris, mais c'est le XIVe siècle qui lui donne une belle opportunité avec une avalanche de guerres fratricides, de cousinades sanglantes. L'auteur de Game of Thrones n'avait qu'à se baisser pour ramasser ses épisodes de chroniques familiales morbides à souhait. Sans hésitation, la mort fauche les bébés, explose les dynasties qui refusent de faire monter sur le trône les femmes ou les étrangers, alors que les dauphins s'acharnent à disparaître avant d'avoir régné. La carrière de la mort décolle sous le règne de Philippe le Bel, avec ses guerres de souveraineté, ses parties de chasse désastreuses et ses conflits d'autorité avec le Vatican. Pragmatique sanction 2, l'assaut final, bientôt sur PS4. Sans oublier l'extermination des Templiers. Les rois maudits, pour la mort, sont des rois bénis. Les rois maudits, une succession de monarques qui tombent comme des mouches et déclenchent un déluge de querelles de succession. La mort est goulûment injuste, elle raconte ses hauts faits en s'envoyant des laits fraises au bistrot du coin. La mort ne tue pas, elle récolte la moisson des hommes qui l'infligent, ce qui lui importe c'est d'avoir l'occasion de faucher. Elle a d'ailleurs ses chouchous, champions de la productivité. En 1355, Édouard lance deux chevauchées en même temps. La seconde est conduite par son fils, Édouard de Woodstock. Un nom sympathique, n'est-ce pas ? Et j'aime encore mieux son surnom, le Prince Noir. Car c'est bien le problème avec le Moyen-Âge, difficile d'évoquer d'autres têtes que les couronnées. Si la guerre tue surtout ceux qui la font, les épidémies ne font pas de discrimination sociale. Partie de Gênes en 1347, la peste noire va occuper la mort un certain temps, puisque la moitié de la population du royaume disparaît. Mais les ravages du virus restent difficiles à raconter. Les batailles intéressent davantage les chroniqueurs médiévaux. Une mémoire perdue, même pour la mort. C'est une histoire nationale que nous raconte cette histoire dessinée, à chaque nation sa mort, et les jalousies vont bon train en période de prospérité, qui rendent mélancolique le corps des grandes faucheuses. Le XVe siècle marque une pause dans les activités belliqueuses et virales, du coup on meurt moins vite. Une paix relative s'installe pour quelque temps, mais la mort est vite rassurée sur son sort par la création d'une armée permanente qu'il va bien falloir occuper. Cette fin du Moyen-Âge reste une belle époque pour la mort. L'incertitude des temps lui a offert une place centrale. Le salut des hommes s'achète à prix d'or et d'efforts, une véritable success story au son des requiems composés en son honneur. La mort a mobilisé ceux qui font la guerre, ceux qui la subissent, ceux qui la représentent, ceux qui veulent lui donner un sens et parfois, oups, en faire un projet de société. Et ceux qui racontent son histoire, ceux qui l'écoutent. Un projet très collectif, donc, comme ce volume de l'histoire dessinée à six mains, celle de Valérie Theis, Sophie Guérive et Étienne Anheim. À la fin, la police débarque pour embarquer la mort, qui termine son récit au pied d'une tour. Une histoire pour tous et de tous. Oui, on est impatients de découvrir la vie de la mort. Merci beaucoup Anaïs. Tous les liens et les informations utiles à retrouver sur la page du Journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr.